plein de manies. Je voyais personne pour la fille de ta. On a faute de temps, t'en as qu'une valise. Des chauffants, on fout ta madame. Les contrats s'attirent, ils sont plein de manies. Je voyais personne qui a fait de nada. On a foute de temps, t'en as qu'une valise. Des chauffants, on fout ta madame. Les contrats s'attirent. Pas d'amis, que des prêts, pas de pute, que des hommes. Sur la chair de ma chair, je vous encule, j'en rigole. Ah, j'ai empêché, j'ai la folle, j'ai l'alcool. À Marseille, tu commences, tu guettes, puis tu fais rentrer des dents. J'embrasse tous mes voyants qui sont en col. Y'a la vie, y'a la mort, y'a des gens derrière qui seront désolés. Dans ma tête, c'est des ordres, sur du Alonso, tout le 1, 2, 3, 1. Mani, j'voy personne qui a des mandats. Rien à foutre de temps, t'as la vie de valide. Te chauffe pas, t'as tout coupé. Le contraire s'attire. On est en mort, et en mort. Rappa à la mort. Comme d'or. Des champions, on fout dans ma dame. Les contrats s'attirent. Il est en table et les contrats.